بالله نحمده ونستعين ونصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سي ديو كي ميريت لي لونتخين، نو لو لوون لي دوموندون زيد. نو لي امبلورون باردون اي نو زون ا لوي كونتر بيرفيرسيون انفوي اون نوز ام انسي كو سيل فوي اون نوز اوفر. سو كو ديو غيد ريان نو بو لي زيغاري اي سو كيل بلونج دون ليغارمون ريان نو بو لي زون فير سورتير. تيموان كي نيا دو كرياتور اي دو بورفويور كو ديو كو سيلوي دون لي نونز ياتر ان بيرفيكسيون ميم ميريت داتر اي. Nul ne lui est associé. Je témoigne aussi que Mohammed est son serviteur et prophète, la plus authentique parole de Dieu et la meilleure des voix de son prophète. Dieu prie pour lui et le salue. Les pires choses sont les innovations, et toute innovation religieuse est un égarement certain. Enfin, tout égarement mène en enfer. Nous vivons toujours avec les textes puisés du Coran et de la Sunna authentique du dernier des prophètes, Mohammed. Et ainsi que des récits des savants, donc qu'a connu l'islam au cours de ces 15 siècles, tous ces récits, donc qui montrent, qui révèlent plutôt le secret pour lequel, le secret de la préservation, le secret de la préservation de cet islam après tant de siècles. Et nous dit que toute personne, quelle que soit son intelligence, quelles que soient ses capacités intellectuelles, ne peut présenter à l'humanité une œuvre qui est exempte de défauts, de corruption. Et le fait que cet islam se soit propagé en Orient et en Occident, que les savants ont édité, ont compilé ces préceptes dès le début de l'islam, que ce soit donc en Andalousie, ou bien en Afrique, ou bien en Asie, ou bien en n'importe quel contexte où l'islam est parvenu, tous ces savants donc ont édité, ont compilé les convictions de l'islam, ont compilé les récits à chaîne de rapporteurs qui montrent les véritables convictions, les véritables préceptes de l'islam. Tout ceci se recoupe et représente une seule conviction et ne comporte point de contradiction. Ce qui montre, donc ce qui doit appuyer la foi de toute personne sincère, que cette religion est authentique, qui n'est pas l'œuvre d'une personne qui aurait voulu, pour une raison ou une autre, regrouper les gens autour d'elle, soit pour des raisons donc de réforme sociale, ou pour des raisons donc de prestige, donc pour créer le prestige et la gloire à lui. Non, ceci montre qu'il n'y a le fait qu'il n'y ait point de contradiction, que 15 siècles ont passé et qu'au cours de ces 15 siècles, les ennemis d'islam ont critiqué autant qu'ils pouvaient donc le Coran et la Sunna, et que toutes ces critiques n'ont pas été acceptées par les personnes raisonnables et se sont révélées de simples critiques, donc sans raison valable. Tout ceci, cette religion a été révélé authentiquement donc par Dieu le Créateur. Et nous avons dit qu'un des secrets de la préservation de cet islam est le fait que Dieu a ordonné dans le Coran de ne point accepter des réformes ou bien des changements que des personnes dont, de bonne intention ou bien de mauvaise intention oseraient ou bien prétendraient apporter à cet islam. Et nous étions donc arrivés à certaines paroles de savants. Nous arrivons à la parole du savant Ibn al-Jawzi, qui a vécu au 6e siècle de l'islam. Le savant Ibn al-Jawzi dit, il, c'est-à-dire les premiers savants de l'islam, il prévenait les gens de tout innovateur de Dieu, afin de préserver ce qui était à l'origine, c'est-à-dire la suite à la lettre du Coran et de la Sunna. Ibn al-Jawzi, prestigieux, l'islam, qui est des référents en époque qui connaissaient parfaitement ce qui était donc cité dans les livres des savants précédents, ou bien nous affirment que tous les premiers savants prenaient les gens et avertissaient les gens dans tout innovateur religieux. Pour quelle raison? Afin de préserver ce qui est à l'origine, c'est-à-dire la suite de la lettre du Coran et de la Sunna. Donc, au départ, Mohammed a reçu la révélation de Dieu. Il a reçu le Coran et il a reçu la Sunna. Lorsqu'il est mort, il n'y avait plus de possibilité qu'il y ait un élément nouveau donc en cette religion, puisque à la mort du prophète, la révélation s'est interrompue et qu'il n'y a plus de prophète après lui, qu'il n'y a plus de moyens donc de changer, de réformer cette religion. Donc l'origine, ainsi que dit ce savant Ibn Jawzi, l'origine à laquelle s'accrochaient les compagnons du prophète ainsi que ceux qui leur ont succédé, l'origine était la suite de la, c'est cette religion qui était la religion d'origine, que ont apporté différentes personnes qui appartiennent aux différents sectes qui sont apparues au cours des 5 et 15 siècles donc de l'islam, toutes ces personnes ont apporté et nul est rejeté, ainsi que nous l'avons vu. Ibn al-Jawzi dit que les savants de toute époque jusqu'à son époque, à savoir le 6e siècle donc de l'islam, tous les savants prévenaient les gens qui ne sont pas religieux afin de préserver ce qui était à l'origine, c'est-à-dire la suite à la lettre du Coran et de la Sunna. Et ainsi, il faudra ibn Iyad prendre sur ton chemin un membre d'une secte, change à leur route et sache que les œuvres des innovateurs Dieu ne sont pas acceptés, et toute personne qui aiderait un membre d'une secte aura participé à la destruction de l'islam. Donc il faudrait Ibn Iyad dit, donc Ibn Iyad bien sûr a précédé et un savant ayant précédé Ibn al-Jawzi, si tu rencontres chemin un membre d'une secte, change alors de route. Nous voyons à quel point il voulait que les gens fuient les membres de ces sectes, afin donc de ne point s'approcher et afin de ne point être piqué par leurs paroles. Car, ainsi que nous l'avons vu, les savants disaient, les cœurs sont faibles et peuvent être altérés par la moindre parole. Une parole qui serait embellie, mais qui serait fausse pour accepter personne qui n'aurait pas de science. Donc il faudrait Ibn Iyad dit, si tu rencontres un membre d'une secte, change à la route. Et sache que les œuvres des innovateurs religieux ne sont pas acceptées. Ibn Iyad affirme que les œuvres, donc les pratiques, les rites que les innovateurs religieux pratiquent, à savoir leurs prières, leurs pèlerinages, tous les rites qu'ils pratiquent ne sont pas acceptés. Donc c'est pour faire peindre aux personnes qui penseraient, qui réfléchiraient à adopter une conviction contraire à la conviction citée donc dans le Sunna, qui devrait leur faire peindre que leurs actes ne soient plus acceptés par Dieu. En effet, nous avons vu que le prophète, que Dieu prie pour lui le salut, ainsi qu'a rappelé son épouse Aïcha, dit « Man ahdatha fi amri hada fahuwa rad » ce qui a inventé en notre religion un quelconque élément, cet élément serait rejeté et nul et non avenu. Donc le fait de pratiquer qui soit inventé serait nul et non avenu, donc accepté par Dieu. Et toute personne qui aiderait un membre d'une secte aura participé à la destruction de l'islam. En effet, le fait d'aider un membre d'une secte, d'aider en ce qui donc propage sa l'innovation, les pensées qu'il a, qui est une participation à la destruction de l'islam. Car le fait qu'apparaissent des personnes qui ont des convictions fausses, qui ont des convictions contraires à celles établies par Dieu dans le Coran et la Sunna, ceci fait que ceci donc se propagera. On place petit à petit la véritable conviction et donc d'une façon ou d'une autre provoquera la destruction l'islam, dans la même façon, cellules cancéreuses peuvent se propager au sein d'un tissu sain. Donc, il y a au départ un tissu sain qui est donc en bonne santé. Cellules cancéreuses s'établit et se multiplie. Elle prend la place, petit à petit. Donc, ces cellules cancéreuses prennent la place petit à petit des cellules saines et provoquent la mort d'organes ou bien du tissu où elles se sont propagées. Personne dit aussi à El-Fudayl, quiconque marierait sa fille à un pervers aurait les liens avec lui. Donc une personne a dit devant El-Fudayl, une personne qui marierait sa fille à une personne perverse, donc qui ne pratique pas, qui n'a pas l'être les recommandations de Dieu, qui donc pratique, qui commet certains péchés, cette personne dit et affirme qu'une personne qui aurait marié sa fille à un pervers aurait coupé les liens avec elle. El-Fudayl dit aussi, et quiconque marie sa fille à un innovateur religieux aurait coupé les liens avec elle, et quiconque s'asserrait avec un innovateur religieux se verrait privé de science et de compréhension. Donc El-Fudayl lui affirme ce qui lui parle et dit de ce qui est encore plus grave que les péchés communs, à savoir l'adultère, à savoir le fait de la, etc. El-Fudayl lui dit que ceci est certes, mais que le fait d'innover en religion est plus grave. Et lui affirme que quiconque marie sa fille à un innovateur religieux donc, aurait coupé les liens avec elle. Et quiconque s'asserrait avec un innovateur religieux se verrait privé de science et de compréhension. En effet, la science et la compréhension sont héritées. El-Fudayl ibn Iyad parle ici de science religieuse. Donc la science et la compréhension sont héritées par ceux qui s'accrochent au Coran et la Sunna, car le Coran et la Sunna sont la source de toute science et de toute compréhension. Le fait donc de s'écarter du Coran et de la Sunna et d'adopter des voies qui s'en détournent, et donc vaudrait à la personne d'être privée de science et de compréhension. El-Fudayl ibn Iyad dit ensuite, et si une personne et les innovateurs religieux espérerait vivement que Dieu lui pardonne de raison. Donc il faudrait dire que le fait de les innovateurs religieux, pour quelle raison? Pour la raison donc, pour cette raison qui est le fait qu'ils aient innové et non pour une autre raison. D'ici une personne haïrait les innovateurs religieux pour cette raison, j'espérerais pour elle que Dieu pardonne ses péchés. Pourquoi? Parce que ce sont le fait donc de haïr les innovateurs religieux, donc de l'amour par la personne de cette religion et de sa volonté qu'elle soit préservée et qu'elle ne soit point altérée. Donc il a dit que j'espère que ce sentiment provoque ou même à la personne le pardon de Dieu. Il a demandé à Abu Bakr ibn Iyash, qui est un autre savant d'islam, il lui a demandé comment reconnaître le véritable sunnite. Il répondit, le sunnite est celui qui ne se met pas en colère lorsque ses sectes sont critiques. Cette parole chic de Abu Bakr ibn Iyad nous montre qu'il reconnaissait le sunnite, donc celui qui était sur la, qui se cramponnait, qui était sur la bonne voie. Comment il le reconnaissait? Par cet attrait. À savoir le fait qu'il acceptait les critiques qui sont dirigées vers les sectes et vers leurs membres. En effet, cela témoignerait donc de son profond pour la préservation de cette religion et donc son abhorration, le fait qu'il a donc que cette religion soit transformée. Donc comment reconnaître le véritable sunnite? Donc il fut demandé à Abu Bakr ibn Iyash comment reconnaître le véritable sunnite. Il répondit, le sunnite est celui qui ne se met pas en colère lorsque ses sectes sont critiqués. Et à l'époque actuelle, malheureusement, beaucoup de personnes ont unifier les musulmans malgré toutes leurs innovations, le fait qu'il y ait personnes ignorantes qui adoptent des innovations religieuses sans le savoir. La solution, ainsi que le montre tous ces et ainsi que l'affirment les savants de l'islam, est d'enseigner aux personnes ignorantes ce qu'est la véritable conviction, ce qu'est la véritable religion, et de les prévenir ainsi que voyons, de les prévenir de tout égarement, de toute déviation, et de toute secte, de tout égaré religieux, et de prévenir les gens qu'il ne faut point innover la religion, qu'il faut la préserver ainsi qu'elle est. C'est de cette façon que pourra se réaliser, l'unité des gens, donc l'unité des musulmans. Le Ibn Jawzi dit dans son livre, dans le titre et les ruses de Satan, nous avons mentionné au début de notre hypothèse que les savants d'Égypte ont critiqué les paroles de Dunnun et que ceux de Bistam est une région, et que ceux de Bistam ont critiqué Abu Yazid et qu'ils ont chassé de cette contrée ainsi que Abu Sulayman, membres d'autres ont échappé, tels que Ahmed ibn Abil Hawari et Sahl al-Tustari. Tout ceci, donc Ibn Jawzi dit, tout ceci, parce que comme les gens furent la plus petite innovation religieuse, et ils se détournaient de ceux qui l'adoptaient si, par défense. Donc Ibn Jawzi dit, nous avons mentionné dans son livre intitulé donc Les Ruses de Satan, Iblis, nous avons mentionné dans ce livre, au début de notre riposte aux soufis, car livre Les Ruses de Satan est une riposte en partie à la secte des soufis. Donc nous avons mentionné au début de notre riposte aux soufis que les savants d'Égypte ont critiqué les paroles de Dunnun et que ceux de Bistam ont critiqué Abu Yazid et qu'ils l'ont chassé de cette contrée. Toutes ces personnes sont des figures soufis. Les savants d'Égypte ont critiqué les paroles de Dunnun, ceux de Bistam ont critiqué Abu Yazid et qu'ils l'ont chassé de cette contrée, ainsi qu'Abu Sulayman Ad-Dabni. Membres auront échappé, tels que Ahmed ibn al-Hawari et Sustari. Tout ceci, donc Ibn al-Jawzi, ce qui n'emporte ici, et la raison que cite Ibn al-Jawzi, tout ceci, premier, a les gens à fuir la plus petite innovation religieuse, et ils se détournaient de l'adopter, et ceci par défense, sunna. Et nous avons vu, et nous avons cité la parole magnifique d'Ibn Mas'ud, le compagnon du prophète, qui disait, Ibn Mas'ud, il viendra des gens qui changeront en cette religion, équivalent au bout des doigts, donc une partie de cette religion. Et si vous les laissez, ils changeront des éléments très importants de cette religion. Donc le fait d'accepter le principe de changement, de modification, de réforme de cette religion s'est révélé authentique, s'est révélé donc parfaite. Le fait d'accepter ce principe de changement fera donc que toute personne en utilisant ce principe modifiera des éléments très importants au sein de cette religion. Et nous avons vu le récit où Ibn Mas'ud a été informé que des personnes se regroupaient afin d'évoquer le nom de Dieu, regroupées en cercles, et chaque cercle avait une façon donc d'évoquer le nom de Dieu. Certains disaient merci à Dieu sans foi, etc. Et que Ibn Mas'ud refusait ceci et les a prévenus que ceci leur ouvrait la porte aux grandes innovations et qu'il les vouera peut-être à faire partie donc de la membre de la secte, donc des Khalijites qui arrivèrent, ce qui arriva effectivement, ainsi que l'affirme le rapporteur du récit. Nous verrons la suite toutes ces paroles la prochaine fois, en demandant à Dieu de nous préserver juste rendez-vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.